Et enfin, donc pour les poissons, que va nous dire l'oracle de Béline pour le mois de mars 2022 concernant nos amis poissons? Donc, quel est le conseil de l'oracle? Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la maison. Hop. Poissons, mars 2022. Alors, c'est bien parce que la coupe, en tout cas, hein, on va voir la suite après. La coupe, elle nous parle de paix sur le feu. Bon, on a Vénus et Mars, ça peut indiquer des coups de cœur heureux, du coup de cœur heureux que vous allez vivre au mois de mars. Ça peut être indiqué également que par rapport à peut-être beaucoup d'excitation de votre part, mais un peu trop, peut-être que vous partez un peu trop dans tous les sens, eh bien la paix vient vous, vous rassurer, vous apaiser. Et donc c'est un mois qui semble plus serein. Mais globalement, c'est déjà positif. On va voir quel est le tirage pour vous au niveau du mois de mars 2022 pour vous, amis poissons. De quoi vous parle l'oracle de Béline? Moi, j'ai l'impression que c'est, pour l'instant, c'est quand même pas mal. Alors, ouf! Eh bien, pour vous les poissons, c'est excellent. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, normalement, c'est bon. Alors, il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour, d'union. On va parler de... Bon, alors, aussi, je l'ai déjà dit pour certains signes auparavant, apparemment, on parle de mariage ou d'engagement, puisque tout le monde ne va pas forcément se marier. Mais là, il s'agit vraiment de déclaration d'amour que l'on fait à une personne ou que l'on reçoit. En couple, eh bien, on décide d'aller plus loin dans les projets et on vit pleinement l'amour. L'amour s'épanouit au sein du couple. Si jamais votre couple n'allait pas, eh bien, il y a une belle réconciliation à la clé. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vrai, profitez de ce mois de mars 2022 qui devrait normalement voir vos projets affectifs s'épanouir. Donc c'est très positif.